Moitié de nuit, de Andrei Kourkov. Adaptation Julie Guichard. Réalisation Pascal Deux. Huitième épisode. Fable politique et chimérique, où des dizaines de vies se croisent dans les recoins de l'hiver ukrainien, le laitier de nuit poursuit sa route. Yegor trouve un enfant abandonné sur les marches du Parlement et le confie à Irina. Dans le même temps, Gennady Ilitch propose à Semyon d'adopter un nouveau-né. Véronica s'y oppose. Elle confesse à son amie Daria qu'il y a 7 ans, après un terrible accident, elle s'est réveillée avec la certitude d'avoir une fille, mais sans aucune trace de l'enfant et personne pour la croire. Valia et Dima se débarrassent du cadavre qui jonche le sol de leur chambre. La nuit, ils dorment dans le garage pour veiller leur pauvre chat à l'agonie. L'animal succombe à ses blessures et Dima part l'enterrer dans un cimetière entre 2 officiers. Ainsi, les histoires continuent et le monde autour d'elle s'amenuise, s'éloigne, est emporté, s'enroule en un cylindre pour aller se ranger dans une petite boîte, tel le décor d'un théâtre de marionnettes. Kiev, centre-ville, rue Grouchevski. De ces grosses gouttes, une pluie froide pilonnait la terre et les arbres nus, dispersant les passants. Yegor remit son talkie-walkie au collègue venu le relever et s'enfuit d'un pas rapide à sa voiture. Irina, ça va ? Ça va. Et les petites ? Je viens me coucher, Yafia. Elle dort. Mais Marina est encore en train de téter. Encore ? C'est fou. Elle est affamée, cette petite. Yegor se souvint que la mère d'Irina insistait depuis un moment pour rencontrer sa propre mère. Et il se rappela son inquiétude à propos d'Irina qui n'était toujours pas mariée. Il accéléra et se retrouva devant le bureau central de l'état civil. À l'intérieur du vaste hall, 3 couples attendaient, assis, entourés de leurs proches. Pour s'inscrire, c'est où ? Mariage ou divorce ? Mariage. Vous prenez les inscriptions pour se marier ? Faut remplir une déclaration. Ce serait possible, à titre d'exception, que j'apporte simplement nos passeports. Vous savez, sans cérémonie. Pourquoi ? Votre fiancé est gêné de se montrer en public ? Pour une femme, la cérémonie, c'est très important. Elle nourrit les bébés au sein. Ici, ça serait pas très commode. Ah, vous avez déjà des enfants. Combien ? 2. Mars, mercredi. La femme inscrivit quelques mots sur une feuille. Sous la date avait été ajoutée à la main, 18h45, $200. On viendra ici. Entendu. Merci. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. Allô ? Allô, Semyon ? Oui ? Bonjour, c'est Daria Ivanovna. Vous pourriez passer me voir chez moi ? Oui ? Vous habitez où ? Rue Vorovsky, appartement numéro 17. Véronica est venue me voir. Elle était bouleversée. Elle m'a raconté l'accident. Vous voudrez bien m'excuser, j'espère. C'est votre histoire à vous, je le sais. Mais j'ai moi-même perdu mon mari récemment. Oui, Véronica m'en a parlé. Il inventait de nouveaux médicaments, c'est ça ? Inventer, c'est beaucoup dire. Il effectuait de nouvelles combinaisons de composants déjà éprouvés. Ou bien modifiait les proportions de médicaments déjà existants. Ah bon ? Les hommes politiques se méfient des médicaments de masse. Ils ont besoin de remèdes spéciaux qu'on ne trouve pas en pharmacie. Le plus souvent contre la fatigue ou contre l'impuissance. Mais Edic s'intéressait surtout aux tranquillisants. Il avait une idée fixe, mettre le monde entier sous calmant. J'ai l'impression que le monde l'agaçait beaucoup. Ce n'est que le soir, à l'approche de l'obscurité, qu'il commençait à sourire. Sinon, il souriait rarement. Il aimait la nuit, alors? Il l'adorait. Il pouvait passer des heures à errer dans les rues quand la nuit était tombée. Sémione ferma les yeux et de nouveau se rappela l'épisode survenu 7 ans plus tôt. Après l'accident, Véronica cherchait sa fille alors qu'il n'en avait jamais eu. Dans ces moments-là, il s'habillait et sortait. Au début, il se contentait de rester devant la porte, parfois une heure, parfois davantage, puis il rentrait. Quelques mois plus tard, une nuit, dans la rue, il s'aperçut avec effroi qu'il la cherchait à présent pour de bon, cette petite fille qu'il n'avait jamais eue. Il se revit, demandant une nuit à un passant qui venait de le saluer, de l'aider à retrouver une enfant disparue. Il ne se souvenait pas du visage de cet homme. Mais après avoir lu les 2 lignes consacrées à l'incident dans le carnet du pharmacien, en fermant les yeux, il pouvait revoir plusieurs de ses promenades nocturnes. Vous m'écoutez ? Oui, oui. Comment ça a commencé pour lui ? Qu'est-ce qui a commencé ? Eh ben, son amour de l'obscurité, de la nuit. Oh, il me l'a raconté un jour, je ne me rappelle plus très bien. Je crois que lorsqu'il était enfant et qu'il mettait du temps à s'endormir, ses parents, pour le punir, l'enfermaient sur le balcon. Il contemplait alors la lune et les étoiles. Il aimait beaucoup la lune, plus que le soleil. Il aimait les ombres des arbres. Est-ce qu'il fréquentait une église ? Une église ? Non. Il y a bien eu je ne sais quel frère et sœur pour venir un jour se pointer ici. Je leur ai fait redescendre l'escalier en 4e vitesse. Excusez-moi, je dois aller au boulot. Merci beaucoup pour le café. Mais nous n'avons pas fini de parler. Il faudra que vous repassiez. Excusez-moi, au revoir. Sémione aurait bien bavardé encore un peu avec elle, mais il devait retrouver Volodka dans 40 minutes au centre de nutrition. Daria Ivanovna, quant à elle, téléphona à Véronica et l'invita à passer chez elle. J'ai parlé avec Sémione. Au téléphone ? Non, il est venu ici. Ah bon ? Je lui ai même offert le café. Il est très sensible, ton homme. Mais de quoi avez-vous causé ? Dédic, mon mari. Mais l'important, c'est que ton Sémione est très sensible. Je comprends pas. Les hommes sensibles gardent toujours dans leur portefeuille des photographies de leurs enfants et quelquefois de leurs femmes. Tu comprends ? Tu veux dire qu'il a peut-être dans son portefeuille une photo de notre fille ? Mais s'il n'y a pas de photographie ? Alors je ne sais pas. Il est reparti à la maison ? Non, au travail. Je vais y aller moi aussi. Je vais lui préparer à dîner. Sémione arriva à 8h30. Véronica l'embrassa, le serra dans ses bras, mais malgré cela, son visage n'exprimait aucun sentiment. Quand il partit se coucher, Véronica se rappela le portefeuille. Elle sortit dans le couloir, promena la main sur la doublure du blouson de cuir et le trouva tout de suite. Elle entreprit de vider chaque compartiment. Et brusquement, elle s'immobilisa. La photographie venait de tomber d'une feuille pliée en 2. Celle d'une inconnue, blonde, âge moyen. Aucune inscription ne figurait au verso. Véronica déplia le document d'où était tombé le portrait. Et ce qui était écrit sur cette page la fit littéralement bondir. Ne peut être tenu pour responsable de ses actes ? Naïtov Piotr Isaïevitch, médecin psychiatre. Elle déposa le portefeuille sur l'appui de fenêtre pour que Sémione puisse le retrouver facilement et du même coup comprendre que sa femme était déjà un peu au courant de sa vie extra-conjugale et qu'elle était prête à entendre ses explications. Borispol, rue du 9 mai. Ça y est, j'ai enterré Mourik. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, je suis allée consulter une voyante. Quoi ? Je lui ai tout raconté. Et aussi qu'une sorte de force à présent me retient. M'empêche de pénétrer dans la maison. Ma chérie. Elle m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Tu lui as aussi parlé du cadavre ? Ah oui, il faut tout lui raconter. Non, mais... Mais si, autrement, ses conseils sont inefficaces. Je lui ai simplement dit que le cadavre n'était pas à nous, que quand nous étions rentrés chez nous, il s'y trouvait déjà. Et tu lui as dit où on l'a transporté ? Mais non, tu me prends pour une idiote ou quoi ? Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'il faudrait asperger les quatre coins de la pièce avec de l'urine de nourrisson, puis appeler un prêtre et lui faire bénir la maison. Ah, et c'est tout ? Oui. Après ça, tu pourras rentrer chez nous. Oui. Très bien. Je m'occuperai de tout demain. D'accord. Bon, pour aujourd'hui, j'irai passer la nuit chez ta sœur Nadia, ok ? Ah. C'est pas très confortable dans le garage. D'accord, mon amour. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. Yegor arriva chez Irina, l'air sérieusement agité. Il entra, ôta ses bottines et pendit son manteau de cuir à la patère. Qu'est-ce que t'as ? C'est au boulot. Notre directeur a été viré. Et mon pote Sergueï également. On a découvert qu'ils avaient obtenu des passeports russes et signé des contrats de travail pour Saratov. J'ai été interrogé par un agent de la Sûreté Nationale. Peut-être que finalement, je ferais mieux d'émigrer, moi aussi. On pourrait partir ensemble. Qu'est-ce que tu dis ? Je serais perdue là-bas avec les petites. Non, je plaisante. Je plaisante. J'irai nulle part. Ah, j'avais une bonne nouvelle pour toi et voilà que je commence par t'en balancer une mauvaise. Pardonne-moi. Une bonne nouvelle ? Peut-être qu'elle te plaira pas non plus. Je voudrais t'épouser. Yegor. Oui. Je me suis déjà arrangé avec le bureau central de l'état civil de Kiev. Allons nous promener ? Oui. Ouais. Maman ? On sort faire un tour. Je prends Yassia avec moi, je te laisse Marina. Pourquoi ? Vous avez peur de la montrer dans la rue ? Au cas où on se demande à qui elle est. Vous inquiétez pas, je trouverai quelque chose, tout ira bien. De toute façon, Irina et moi, nous nous marions le 14. Oh, vous mariez ? Nous revenons vite. Yegor et Irina sortirent. Yassia babilla un moment dans son sommeil, mais ensuite tout fut silencieux. Soudain, Irina fit halte. Elle avait envie de dire quelque chose à Yegor, mais elle en fut incapable. Aussi poussèrent-ils plus loin, jusqu'au bout de la rue. Cependant, arrivé là, pour peu qu'on traversât la chaussée, on atterrissait au milieu du cimetière. Or, qu'aurait-il fait au cimetière par une soirée si tranquille et si secrètement heureuse ? Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. En rentrant chez lui, Semyon se souvint de son dernier entretien avec Volodka. Celui-ci avait parlé d'un dictaphone numérique. Il se leva et sortit. Après avoir acheté le plus petit appareil qu'il eut trouvé, il l'alluma en mode automatique pour qu'il se déclenche tout seul au premier bruit et le fourra dans la petite poche de poitrine de son blouson. Après quoi, il embrassa sa femme, se coucha et s'endormit. Au cours de la nuit, il se releva sans faire de bruit. Il regarda avec aversion sa femme endormie, s'habilla, puis sortit de chez lui. Quand Volodka aperçut son ami, il le prit en filature. Semyon marchait tranquillement dans les rues désertes quand soudain il s'arrêta et tira son portable de sa poche de blouson. Puis il raccrocha et continua sa route. Il s'engagea sur le pont. Volodka vit alors Semyon faire halte, se tourner vers le garde-corps et baisser la tête pour regarder en bas les eaux noires du Dniepr. Semyon demeura ainsi immobile une dizaine de minutes. Puis soudain, il escalada la rampe et sauta dans le vide. Volodka s'élança, grimpa lui aussi sur la balustrade et sauta. L'eau se referma au-dessus de sa tête. Au moment où les forces commençaient à lui manquer, sa main heurta quelque chose de grand et de mou. Volodka la grippa solidement et nagea de toutes ses forces. Il réussit bientôt à atteindre le bord et tira Semyon hors de l'eau. Deux hommes qui passaient par là aidèrent Volodka à conduire Semyon jusqu'à chez lui et attendirent avec lui que Véronika ouvrit la porte. Semyon ? Par là. Ils sont montés doucement. Par là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a voulu se noyer. C'est pas vrai. Véronica s'assit sur le bord du lit et posa son regard sur le visage de Semyon d'une atroce pâleur, presque jaunâtre même. Il gisait immobile sur le dos sous trois couvertures. Vu de loin, il avait tout d'un cadavre. Elle téléphona à Daria et lui demanda de venir le plus vite possible. Donc, une demi-heure plus tard, elle montrait à son amie la photographie de la femme blonde et le certificat du psychiatre. Et tu sais, ce matin, il était exactement comme ton édic. Je sais quoi faire. Et quoi donc? Habille-toi, nous partons. Mais pour aller où? Chez ce psychiatre. Il en sait sûrement plus que toi sur ton Semyon. Bon. Quand le docteur Naitov eut déplié la feuille et constaté qu'il s'agissait du certificat qu'il avait délivré à son patient, il resta un instant le souffle coupé. Vous venez toutes les deux au sujet de Semyon ? Oui, et pour que vous soyez au courant. Il a tenté de se suicider la nuit dernière. Attendez un instant, qui est l'épouse de Semyon ? Moi, Véronica. Et vous ? Moi, je suis Daria Ivanovna, une amie. Véronica, vous voulez que nous parlions des problèmes de votre mari en la présence de votre amie Daria ? Oui. Bien. Véronica, votre mari est atteint de somnambulisme. Vous étiez au courant? Non. Ne vous en faites pas, ce n'est pas si terrible. Vous pensiez qu'il s'absentait la nuit tout bonnement, c'est ça? Oui. Il y a longtemps qu'il sort la nuit? Depuis l'automne, je crois. Je ne me rappelle pas exactement, depuis novembre ou bien décembre. Y a-t-il eu une époque où il avait l'habitude de rentrer seul ou bien avec vous, très tard, à la maison? À l'occasion de balades nocturnes dans la ville, par exemple? Il y a une quinzaine d'années, avant notre mariage. Et peut-être après l'accident. Tu te rappelles, Nika, ce que tu m'as raconté? Vous pourriez me le raconter à moi aussi? Véronica parla de sa fille disparue, de ses doutes et du fait qu'elle envoyait Semyon chaque soir à la recherche de l'enfant. Maintenant, contentez-vous d'écouter et de répondre. Il y a 7 ans, vous avez été victime d'un grave accident de voiture, c'est ça? Oui. Vous avez subi un traumatisme crânien? Oui. Avant l'accident, vous aviez un enfant? Vous pensiez qu'au moment de l'accident, il y avait un enfant avec vous dans la voiture? Oui. Vous le cherchiez? Oui. Chaque soir, vous repensiez à l'enfant disparu et vous demandiez à votre mari d'aller à sa recherche? Oui. Et quand il rentrait, vous dormiez déjà? Oui. Cela a duré quelques mois ou davantage? Davantage. Plus tard, il partait de lui-même à la recherche de l'enfant, même quand vous ne lui demandiez pas, c'est bien ça? Oui. Et vous avez cessé de lui demander de la rechercher parce que vous saviez que de toute manière, il irait? Oui. Il vous a délivré de votre idée fixe, il vous a déchargé de votre angoisse pour la prendre sur lui. Votre mari souffre d'une forme de somnambulisme que je qualifierais d'acquise. D'acquise? Il l'a acquise en même temps qu'il vous débarrassait de vos problèmes. Je ne voudrais pas vous affliger, mais il est devenu somnambule à cause de vous. De moi? Bon, mais cette blonde alors? Je ne sais rien d'elle. La nuit, beaucoup de somnambules errent dans les rues de Kiev. C'est fou. Il leur arrive de se rencontrer, de se lier d'amitié, mais le jour, ils ne se reconnaissent. Il se constitue chez eux comme une sorte de mémoire nocturne qui ne se déclenche que pendant les crises de somnambulisme. Semyon aussi est inquiet de ce qui lui arrive. C'est pourquoi il a demandé à un ami de le suivre et de photographier les personnes qu'il rencontre la nuit. Vous n'auriez pas par hasard le numéro de téléphone ou bien l'adresse de cet ami? Volodka? Non, mais je peux me les procurer. Faites-le, s'il vous plaît. Oui, mais comment le guérir? Il serait bon que vous ayez d'autres préoccupations. Vous n'avez pas encore d'enfant, n'est-ce pas? Non. Mais récemment, il m'a proposé d'adopter une petite fille. Vous voyez, il est dans la bonne direction. À présent, abordons cette tentative de suicide dont vous avez parlé. Je ne pense pas que ça soit lié au somnambulisme. Il se pourrait qu'il ne s'agisse que d'un accident malheureux. Votre mari n'est pas enclin à mettre fin à ses jours, c'est même l'opposé. Comment ça, l'opposé? Il serait susceptible de commettre un meurtre plutôt qu'un suicide. Non. Mais je dis ça d'un point de vue théorique. Parlons du moyen de le guérir. Il serait bon que durant 6 mois ou même 1 an, il veille la nuit de manière consciente. Mais comment ça? Si par exemple vous aviez un bébé, il pourrait se lever et lui donner le biberon. Mais tant que vous n'avez pas d'enfant, l'idéal serait de lui trouver un travail de nuit. D'accord. Revenez dans 2 ou 3 jours. Et apportez-moi l'adresse de ce Volodka, son ami. Seulement ne dites pas à votre mari que c'est pour moi. Entendu. Les deux femmes sortirent. Dehors, le soleil brillait. Jusqu'à présent, je n'ai jamais fait confiance au rouquin. Mais celui-ci m'a plu. Demain, tu viendras avec moi aux obsèques? Oui. Tu ferais bien de planquer la photo de cette blonde. À tout hasard. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Quant au certificat, tu n'as qu'à le remettre dans le portefeuille de Sémion. Oui, t'as raison. Mmh. Borispol, rue du 9 mai. Ce jour-là, Dima avait réussi à dénicher un jardin d'enfants et donc de l'urine de môme, ainsi qu'un prêtre. La maison avait été entièrement purifiée et il n'y avait plus d'obstacle au retour de sa femme chez eux. Tu as bien aspergé dans tous les coins. Hein? Ah oui, t'en fais pas. Si tu veux, je peux même recommencer. Il en restait dans la bouteille. Tu sais, ta sœur voudrait partir d'ici. Ah bon? Partir? Mais pour aller où? Au Canada ou bien à Saratov. Ah. On distribue des formulaires ici en ville. Il propose un emploi et un logement à Saratov. Ah bon? Le logement est gratuit et la paie se monte à 800 dollars. Ah, c'est... Il donne aussi une prime pour le déménagement. Attends, j'ai oublié de te dire. Il faut que j'entre dans la maison sans que mes pieds touchent le seuil. C'est ce qu'a dit la voyante. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu es censé franchir la porte en sautant? Que tu es bête. C'est pas mieux à l'idée de me porter dans tes bras? Après le dîner, Valia essuya la table et avec l'aide de son mari, elle remplit le formulaire de demande d'émigration à Saratov. C'était L'étier de nuit de Andrei Kourkov avec Sophie Doll, Frédéric Pierrot, Olivier Clavry, les narrateurs, et Clara Noël, Aymeric Le Serre, Fabrice Pierre, Valérie Moinet, Robinson Stévenin, Emeline Bayard, Olivier Creveillé, Luce Mouchel, Christophe Audan, Marie Daude, Émilie Gavois-Cannes, Ariane Blaise, Damien Le Délésir, Farid Bouzenade, Christine Braconnier, Pierre Carbonnier, Sylvain Gauthier, et les voix de Jean Ocotrel et Pauline Moulaine. Musique originale, Damien Salençon. Violon, Claire Bussel. Accordéon, Jean-Pierre Ménager. Contrebasse, Emmanuel Camus. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Pascal Deux. L'étier de nuit, de Andrei Kourkov, traduction Paul Lequen, est publié aux éditions Liana Lévy. Chaleureux remerciements à Félix Blum.